Voici l'heure intime. Le compte à rebours s'est arrêté, la mise à feu est proche. Le voici, immense et immobile, en haut de l'allée. Elle se dirige vers lui, les regards se frôlent. Les mains osent à peine, pas encore. La caresse brune de ses brunelles glisse le long de ses cheveux défaits, de son manteau ouvert sur une sage jupe fluide, sur les bottes à talons qui volent sous son nez, et la dirige vers l'escalier. Il est là, derrière. Elle sent le poids de son regard assombri de désir, de son souffle rauque dont il vient d'effleurer son cou animal. La jupe se balance chaloupée. Les clés s'entrechoquent nerveuses sur la serrure. Ils franchissent le seuil, ils ne disent rien. Ils savent que les yeux s'accrochant vont tout allumer. Le manteau vole, le sac tombe au sol. Prends-la avant qu'il ne soit trop tard. Prends-la puisqu'il est trop tard. Ma peau s'est souvenue de toi, créant un manque où tout s'est engouffré. Tous mes sens sont suivis. Mon nez s'est souvenu, et ma langue et mes doigts. Une vague violente les submerge. La marée, sous l'effet de l'astre capricieux, n'aurait pas mieux averti leur cœur muet. Dans la fureur contenue d'un océan de tendresse, se noyer d'ivresse sans inutile promesse, voilà leur nouveau credo. Ses doigts d'homme pressé esquissent rapidement les contours de son corps de femme, trop longtemps espéré et délaissé. La maille fine des bas clairs atténue quelque peu la pression. La caresse se perd sous l'étoffe brune et vaporeuse. Il remonte sans la lâcher des yeux. Ronde et pleine, sans aucune entrave de tissu, voici sa lune. Il a apporté le miel. Elle le sent frémir contre elle. La ceinture glisse déjà sous ses petits doigts qui le sentent nu dessous, conformément à ses souhaits. Elle apprécie fermement et s'empare dans un soupir de gourmandise de sa virilité érigée si promptement. Il sourit furtivement. Reconduction tacite. Lorsque ses mains à lui saisissent ses fesses tendues, il la sent prête à l'assaut. Leurs langues jouent à se retrouver, leur souffle à se respirer, à s'accélérer déjà, si vite, trop vite.